À tous ceux qui, en plus de se demander « qu'est-ce qu'on mange ce soir ?», se demandent ce qu'il y a dans leur assiette et d'où ça vient et si ça respecte l'environnement. Et à tous ceux qui en ont marre de passer plus de temps à lire les emballages qu'à déguster ce qu'il y a dedans. Désormais, l'application Intermarché vous permet de répondre facilement à toutes vos questions en sélectionnant les produits selon vos préférences, que ce soit en termes de nutrition, d'origine ou d'impact environnemental. Alors une dernière petite question, qu'attendez-vous pour la télécharger ? Intermarché, tous unis contre la vie chère. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'intervention française au Mali. Les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis provoquent un séisme politique mondial et ouvrent une nouvelle page de l'histoire des relations internationales. Dans son discours, au lendemain du drame, le président Bush dénonce un nouvel axe du mal, constitué d'États dits « voyous », qu'il faut à tout prix neutraliser pour garantir la sécurité des démocraties. Alors que la Charte de l'ONU défend le principe de non-ingérence dans les affaires des États souverains depuis 1946, la lutte contre le terrorisme devient un prétexte, depuis 2001, permettant à certaines puissances occidentales de mener des interventions militaires au Moyen-Orient, au Maghreb, mais aussi en Afrique subsaharienne. C'est dans ce contexte qu'en janvier 2013, appuyé par les forces militaires de la CEDEAO, et par les missions successives de l'ONU, que François Hollande décide d'intervenir dans l'une des anciennes colonies de la France, le Mali. Retour sur une guerre lointaine où les soldats français accueillis en héros en 2013 sont désormais priés de plier bagages par une population malienne en mal de souveraineté. Notre invité aujourd'hui, Laurent Bigou, ancien sous-directeur de l'Afrique occidentale au ministère des Affaires étrangères, devenu consultant indépendant. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Bettina Lioré, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mali. 2 février 2013, 11h du matin, Tombouctou. Dans la cité oasis millénaire située en lisière du Sahara, le son des tam-tams résonne pour la première fois depuis des mois. Ce jour-là, les traditionnelles maisons de boue qui jonchent les rues sablées de la ville se vident peu à peu de leurs habitants. Malgré la chaleur écrasante, chacun se presse en effet vers la place principale, déjà prise d'assaut par une foule en liesse. Dans l'euphorie ambiante, des petites filles coiffées de rubans tricolores tentent de se frayer un chemin entre les innombrables militaires français, les blindés qui patrouillent et les pick-up remplis de soldats maliens. Au milieu de la cohue, François Hollande prend un bain de foule. Poignée de main, remerciements, acclamations. La garde rapprochée du président peine à maintenir les manifestants à distance. Et pour cause. Après 9 mois de soumission aux hommes d'Acmi, l'Al-Qaïda au Maghreb islamique et à leur allié, le groupe armé salafiste et djihadiste en Sardine, qui souhaite instaurer la charia sur tout le territoire, la perle du désert, comme on l'appelle, est libérée. Un mois plus tôt, l'opération Serval avait été lancée pour la France, par la France, pour répondre à l'appel à l'aide du président malien Diouncounda Traoré, et ainsi bloquer la descente djihadiste du nord vers Mopti et Bamako, la capitale. Les soldats français réussissent alors sans effort ce que les soldats maliens pensaient impossible, libérer les villes du nord soumises à la charia et repousser les djihadistes jusque dans les recoins du désert. Alors, lorsqu'à Tombouctou, la nouvelle visite officielle de François Hollande se répand, chacun ou presque tient à revêtir ses habits de fête et à lui donner sa gratitude. Dans la confusion, une femme en boubou blanc se jette dans les bras du président, qui laisse faire. Acclamé en héros, il s'enivre de cet accueil spectaculaire qui lui est réservé et qu'il faut bien le dire, le change un peu de l'accueil de ses propres compatriotes. La cote de popularité du président est déjà bien entamée en France. Sur le plan extérieur, critique vis-à-vis des interventions de son prédécesseur, Nicolas Sarkozy, la Libye, Centrafrique, François Hollande s'était positionné en rupture avec la France-Afrique et les quelques 48 interventions françaises qui se sont déroulées sur le continent depuis les années 60. 4 mois plus tôt, en effet, devant l'Assemblée nationale sénégalaise à Dakar, il déclarait ceci. Le temps de ce qu'on appelait autrefois la France-Afrique est révolu. Il y a la France... Et à l'Afrique, et il y a le partenariat entre la France et l'Afrique, avec des relations fondées sur le respect, sur la clarté et sur la solidarité. Les émissaires, les intermédiaires, les officines trouvent désormais porte close à la présidence de la République française, comme dans tous les ministères. Je ne céderai pas à la tentation de la complaisance. Je n'en attends pas non plus en retour de la part de l'Afrique. Nous devons tout nous dire. Ce que nous pensons, ce que nous croyons, ce qui est utile. Cette sincérité, elle vaut en particulier pour le respect des valeurs fondamentales. Soit. Mais 4 mois plus tard, ce discours quasi historique, tout comme la promesse de François Hollande qu'il n'interviendrait pas au Mali, formulé par lui-même en novembre 2012, tout ça semble dépassé. En ce 12 octobre 2013, l'heure est à la célébration. Loin de la grisaille parisienne, et pas seulement côté ciel, le président Hollande est galvanisé par la reconnaissance de son homologue malien et il se laisse porter par l'euphorie des foules. Lors de son discours officiel sur la place de l'indépendance à Bamako, le libérateur qu'il est devenu se laisse presque emporter par l'émotion. Moi, je veux ici vous dire que je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie politique. Parce que, à un moment, une décision doit être prise. Elle est grave. Elle engage la vie d'hommes et de femmes. Cette décision, je l'ai prise au nom de la France. Cette décision, elle honore la France. Et à travers les clameurs, la ferveur, le soutien que vous m'apportez, c'est à toute la France que vous donnez votre plus grand hommage. Merci, peuple malien. Vive le Mali. Vive la France, vive l'amitié entre le Mali et la France. Merci. 21 mars 2012, la nuit est déjà bien avancée à Bamako. Mais les habitants de la capitale du Mali ne dorment pas, car l'heure est à la révolte. Autour du palais présidentiel, la tension monte dans les rangs des manifestants. Rangés derrière les militaires, menés par le capitaine Sanogo, les Bamakois réclament la chute du président Amadou Toumani Touré, connu sous le nom de ATT, et de son gouvernement qu'ils jugent incapable de résoudre la crise qui sévit au Mali. À l'origine de l'embrasement de cette crise, une énième révolte des Touaregs du Nord, qui cette fois se sont alliés à des groupes djihadistes proches d'Al-Qaïda pour obtenir l'indépendance de l'Azawad. L'Azawad, c'est la moitié nord du Mali, une région grande comme la France, quasi désertique, très peu développée, qui abrite depuis des siècles des ethnies peules, majoritairement musulmanes, des Dogons animistes, mais surtout des Touaregs, ces berbères anciennement nomades, peu islamisés et considérés par la légende comme les seigneurs du désert. Si depuis l'indépendance, en 1960, les rébellions Touaregs se succèdent et sont le plus souvent réprimées d'une main de fer par le pouvoir malien, cette fois, l'intégrité du territoire que défendent bec et ongles les Maliens du Sud est sérieusement menacée. Et l'armée malienne semble bien incapable de repousser les rebelles et les terroristes. Au lendemain des affrontements, et après avoir fait arrêter certains poids lourds du gouvernement d'ATT, la junte militaire déclare avoir renversé le pouvoir en place depuis 10 ans. Mes chers compatriotes, considérant l'incapacité notoire du régime à gérer la crise qui sévit au nord du Mali, considérant l'inaction du gouvernement à doter du moins adéquat les forces armées et de sécurité pour accomplir leur mission de défense de l'intégrité du territoire national, considérant le risque croissant de disparition de l'unité nationale tant chère aux Maliens, considérant l'incapacité du régime à lutter de manière efficace contre le terrorisme et à restaurer la dignité du peuple malien, la force républicaine de l'État et les acquis démocratiques, le CNRDR a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime incompétent et désavoué de M. Amadou Toumani Touré. Mais ce coup d'État, dénoncé par la communauté internationale et l'ancienne puissance coloniale française, ne fait que déstabiliser un peu plus les institutions et affaiblir une armée malienne déjà rongée par les désertions. Les rebelles en profitent et prennent en 3 jours à peine, à la fin du mois de mars 2012, les villes de Kidal, Gao et Tombouctou. Victoire inespérée pour les hommes du Mouvement National pour la Libération de l'Azawad, le MNLA, qui déclare unilatéralement l'indépendance. Mais le jeu des alliances s'apprête à se retourner contre les Touaregs. Les groupes salafistes, hier encore leurs alliés stratégiques, les évincent brutalement pour régner seuls et imposer partout une inflexible charia. Et en juin, c'est la destruction des mausolées de Tombouctou qui provoque l'indignation des fonctionnaires internationaux. 6 mois plus tard, le 20 décembre, le Conseil de sécurité de l'ONU officialise la création de la MISMA, la Mission internationale de soutien au Mali, conduite par les troupes africaines de la CDAO, avec pour objectif le redéploiement d'une armée malienne dépassée et la reprise des zones du Nord. À des milliers de kilomètres de là, François Hollande, fraîchement élu, et son ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, suivent de près l'évolution du dossier malien. Il faut dire que 4 otages français sont retenus dans ce pays depuis déjà 2 ans et qu'ACMI menace ouvertement de les assassiner en cas d'intervention française. Mais la France n'interviendra pas au Mali, c'est du moins la promesse formulée par le président en novembre 2012, qui semble alors suivre les conseils avisés de l'un de ses fonctionnaires spécialistes du Mali. Cet homme, c'est Laurent Bigot, le sous-directeur de l'Afrique occidentale au ministère des Affaires étrangères. Lors d'une conférence sur le Sahel, il est l'un des seuls à alerter, dès l'été 2012, sur les risques d'une intervention étrangère au Mali. Ce que je dis à tous nos interlocuteurs maliens, je dis la communauté internationale n'aura pas la solution pour vous. Par contre, si vous avez une solution, on peut vous accompagner. Mais le point de départ, c'est vous. C'est pas nous. Et si on continue à penser que le point de départ, c'est la communauté internationale, on va fabriquer encore des Hamid Karzai version malienne, des GFT version malienne, et ce sont des crises qui vont durer au long cours. Donc là aussi, on a un devoir de vérité vis-à-vis de nos partenaires en disant « c'est votre pays, c'est un pays souverain depuis plus de 50 ans ». Arrêtez de nous sortir les histoires, l'ancienne puissance coloniale, etc. Enfin, le Mali d'aujourd'hui n'est pas le Mali de 1960. Il faut arrêter les... Enfin, tout ça, c'est quand même de la foutaise. Ça a bien changé, et heureusement. Il y a plus de la moitié de la population qui n'a pas connu l'époque coloniale. Donc, il faut arrêter avec ces réflexes intellectuels qui nous emmènent droit dans le mur. Des propos qui dérangent, car en réalité, depuis le mois d'août, des forces spéciales françaises sont déjà sur le terrain et se prépare à contrer une éventuelle descente des djihadistes vers le sud, droit sur Bamako. Le 9 janvier 2013, le président malien par intérim, Dion Kounda Traoré, appelle la France à la rescousse. Et la réponse ne se fait pas attendre, car en coulisses, tout est prêt. 2 mois plus tard, Laurent Bigot est remercié. À la une ce soir, l'opération en cours des troupes françaises au Mali. Le président de la République a annoncé cette intervention il y a un peu plus d'une heure. Nous allons vous expliquer les raisons de cette action militaire contre ces groupes islamistes armés qui menaçaient de plus en plus la capitale Bamako. Mais d'abord, on écoute le chef de l'État qui s'est exprimé depuis l'Élysée. Il était 18h30. Les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. Cette opération durera le temps nécessaire. J'informerai régulièrement les Français sur son déroulement. L'opération Serval est lancée. Et c'est le début de ce qu'on appellera plus tard la guerre éclair au Mali. À grands coups de ponts aériens, de convois maritimes et de renforts terrestres, notamment depuis la Côte d'Ivoire, l'armée française déploie dès le premier mois une force d'intervention considérable. 1800 soldats, sans compter les forces aériennes, en soutien à une armée qui ne compte que 3000 Maliens, plus ou moins opérationnels. Et les résultats suivent, comme en témoigne ce reportage de Franck Genozo, diffusé le 13 janvier 2013 dans le 20h de France 2. L'intervention militaire française a eu lieu au centre du Mali, dans la région de Kona. Des frappes aériennes ont été menées sur une colonne de véhicules 4x4 qui prenait la direction du sud. Objectif, arrêter plusieurs centaines d'islamistes qui se dirigeaient vers Mopti, 100 000 habitants. Un verrou stratégique où la France a, selon plusieurs témoins, positionné des forces spéciales débarqués à l'aéroport en début de semaine. La cible, les islamistes d'Ansar el-Din proches d'Al-Qaïda, qui font régner la terreur au Nord-Mali. Peu à peu, dans un pays sans gouvernement stable et sans armée en état de combattre, ils ont gagné du terrain. Première victoire pour les troupes françaises qui prennent alors la route du Nord et s'engagent rapidement dans une logique de conquête territoriale sans mandat onusien explicite. Ainsi, les 25, 27 et 30 juillet, les villes de Gao, Tombouctou et Kidal sont reprises sans peine. Les djihadistes prennent la fuite. Il ne reste qu'à pousser la porte et investir les lieux. Mais à Kidal, les soldats français se retrouvent dans une situation embarrassante. Les Touaregs du MNLA, qui ont officiellement fait allégeance à la France après avoir été évincés par leurs anciens alliés d'Acmi, ont eu le temps de s'engouffrer après la fuite des djihadistes. Et ils interdisent formellement l'entrée dans la ville des troupes maliennes. Les soldats français, devenus médiateurs, ne mouffent pas après tout. Les Touaregs sont des alliés. Ils connaissent le désert mieux que personne, mais aussi, et c'est important, les montagnes au nord où pourraient bien être retenus les otages français. Alors il faut les ménager, les Touaregs, certes, mais pour les Maliens c'est inacceptable. Voilà que la France s'allie avec le fauteur de troubles qui sont à l'origine même de son intervention, les Touaregs. La nouvelle traverse les zones marécageuses du fleuve Niger et se répand jusque dans le sud du pays où elle provoque dans l'opinion, pourtant très favorable à l'intervention française, une fissure qui bientôt se transformera en défiance. Après avoir récupéré les villes du Nord, les soldats français, guidés par les Touaregs du MNLA, se mettent à traquer les terroristes en zone montagneuse. Mais la plupart des djihadistes parviennent assez facilement à se fondre dans la population malienne. Mais qu'importe, sur le terrain militaire, les victoires françaises se succèdent. En août 2013, le président par intérim, Diokounda Traoré, cède sa place au président élu Ibrahim Boubacar Keïta, plus connu sous le nom d'Ibeka. François Hollande ne pouvait rêver mieux. Ibeka fait partie de la grande famille socialiste. Proche du PS, il a même été vice-président de l'Internationale socialiste. Le jour de son investiture, François Hollande est là et se lance dans un discours triomphal. Eh, chers amis, chers présidents, nous avons gagné cette guerre. Nous avons chassé les terroristes. Nous avons sécurisé le Nord. Et enfin, et ce n'était pas le plus facile, vous avez réussi à organiser des élections de façon incontestable. Et le vainqueur est aujourd'hui président du Mali. Aujourd'hui, le Mali a pris son destin en main. Il a choisi son président. Un bon, un grand président. Je le connais. Et depuis longtemps, la France sera là pour vous accompagner, pour le développement, pour l'État, la démocratie, pour la réconciliation. Au Quai d'Orsay, on pense que cette élection suffira à instaurer la démocratie au Mali et dans les hautes sphères de l'État, on se congratule. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, jubile. Jean-Yves Le Drian lui martèle que la France peut être fière. Quant à François Hollande, il se remet à peine du plus beau jour de sa carrière politique. Mais les victoires militaires du plan Serval ne débouchent pas sur des victoires politiques. Les populations du Nord observent le retour des soldats maliens, certes, mais pas des fonctionnaires, ni des écoles, ni des juges. Alors le vide s'installe. Et le vide, c'est le terreau favori des djihadistes. Pardonnez-moi l'expression, mais la France n'assure pas le service après-vente. Et c'est ainsi que l'exaltation se dissipe et qu'on réalise peu à peu qu'un départ total et immédiat des troupes ne sera pas possible. Alors, pour sauver l'honneur et entériner la victoire de Serval, on la clôt pour en ouvrir une autre. Place à l'opération Barkhane. Baba de yero yankam Serval aura duré 16 mois. La fin de l'opération militaire française dans le nord du Mali, annoncée ce matin, ne signifie pas le retrait des soldats envoyés sur place. Au contraire, Simon Tivol, l'armée française élargit ses objectifs et son terrain d'action. Seul l'adversaire ne change pas, c'est toujours le terrorisme. L'opération Serval, c'était le Mali en urgence. Avec l'opération Barkhane, on entre dans une dimension régionale et sur le long terme. Il s'agit maintenant d'éviter la même chose dans les pays voisins, qui sont tous sous la menace de forces armées, mi-djihadistes, mi-trafiquants. Cette volonté de la France d'être présente d'ouest en est de la bande sahélo-saharienne a des conséquences militaires. Les cartes sont redistribuées avec le commandement à N'Djamena et des moyens, avions, hélicos, drones, forces spéciales, répartis sur toute cette zone, Mauritanie, Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad. Comme l'explique cette archive de France Inter, c'est au nom de la lutte contre le terrorisme que la France déploie sa plus grande opération militaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais oui, 5000 soldats français mobilisés sur un territoire grand comme l'Europe qui s'étend sur 4 pays voisins. Mais malgré des moyens militaires et logistiques considérables, les Français ne parviennent pas à venir à bout de l'ennemi qui se terre, qui attaque par surprise et souvent qui change de visage. Chaque fois qu'un rebelle est neutralisé, 10 autres combattants sortent du sable. Le fait est que les soldats français connaissent mal leurs ennemis et ignorent souvent les raisons qui les ont poussés à prendre les armes. Car si l'on dénombre quelques fanatiques convaincus, bien sûr, les idéologues radicaux ne constituent pas, à l'origine en tout cas, le gros des troupes rebelles dans Sardine et de Mijao. Non, la majorité de ces hommes sont en fait d'anciens soldats maliens qui ont fait les frais d'une institution gangrénée par la corruption. Nombre d'entre eux, à l'image de ce soldat interviewé par Arte, sont tentés de rejoindre les rebelles pour des raisons purement économiques. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe en moi. Même si les ennemis du pays représentent le mal, moi, je sais que je peux rejoindre l'autre camp, comme certains l'ont fait. Je pourrais me tourner vers eux. Quelque part, eux aussi défendent la patrie. J'ai des camarades qui ont rejoint les groupes terroristes et certains m'ont appelé. L'un d'eux m'a dit « Mon gars, tu seras riche ». Après l'appel, j'ai détruit la puce de mon téléphone. Il valait mieux pour moi ne pas garder ce contact pour ne pas être tenté. Le fait qu'il m'ait appelé, ça veut dire qu'ils vivent dans de meilleures conditions que moi aujourd'hui. Ils sont payés, armés, bien soignés, tu vois. Ils sont dans un meilleur état que l'armée malienne, parce qu'on leur accorde tout ce qu'ils demandent. L'émergence et la violence au Mali est donc intimement liée au problème numéro un de l'État, la corruption. Et le président Ibeka ne semble pas enclin à y remédier, bien au contraire. Depuis son accession au pouvoir, les scandales s'enchaînent. Achat d'un avion présidentiel pour 34 millions d'euros, négocié par un homme d'affaires proche de la mafia corse. Surfacturation dans l'acquisition de matériel militaire, népotisme. C'est ce que rapporte une enquête du Nouvel Obs, parue en septembre dernier. Mais à l'époque, le président Hollande ferme les yeux, parce que l'important, c'est de mettre en avant l'entente et la coopération entre la France et le Mali, à tel point d'ailleurs que lors de la marche du 11 janvier 2015, en hommage aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo, Ibeka est sur le devant de la scène, au bras de son homologue français. Quelques mois plus tard, il se voit remettre la Légion d'honneur. Pendant ce temps, la société malienne se fracture un peu plus. Cette fois, ce sont les violences interethniques qui éclatent, et pas n'importe où, au sein de l'armée. Depuis le début du conflit, de nombreux soldats maliens, jouissant de l'impunité de l'uniforme, sont régulièrement accusés de commettre des exactions contre la population. Cette fois, c'est la communauté pastorale des peuples musulmans qui a été visée, comme en témoigne cet homme, qui raconte à une équipe de TV5 Monde les abus que son jeune frère a endurés près de Mopti. Il a répondu aux militaires qu'il n'était pas un djihadiste et qu'il n'avait pas d'armes. Ils l'ont quand même emmené dans leur camp. Ils lui ont attaché les mains, les pieds et lui ont bandé les yeux. Ils l'ont ensuite électrocuté au niveau des mains, mais aussi au niveau des pieds. Pendant 2 jours, il était avec eux, enfermé. Mais les autorités maliennes ne veulent surtout pas écorner davantage l'image de cette armée sous-équipée, sous-entraînée, dont les soldats sont d'ailleurs encadrés par des capitaines de l'armée française. Alors face à l'inertie de l'État, qui refuse de reconnaître et de condamner les abus, certains soldats maliens rejoignent les djihadistes pour obtenir justice. Conséquence, en janvier 2015, un nouveau groupe islamiste à dominante Peul, cette fois, voit le jour dans le centre du Mali, la Katiba Massina. 2 ans plus tard, l'ensemble des mouvements djihadistes sahéliens s'unissent dans une coalition, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM. Les djihadistes du Sahel n'ont jamais été aussi puissants. Dans les rangs de l'Assemblée nationale malienne, on commence à évoquer la possibilité d'ouvrir le dialogue avec les rebelles. Il faut dire qu'à force de qualifier l'ennemi de terroriste, on en oublie souvent la dimension insurrectionnelle et les logiques criminelles d'organisations mafieuses qui profitent du chaos. Et lorsqu'en avril 2017, la conférence de l'Entente nationale s'ouvre sous la présidence d'Ibeka pour négocier avec la Katiba Messina Peul et le GSIM, François Hollande dépêche à la hâte son nouveau ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, à Bamako, pour s'y opposer. 1 mois plus tard, et sans surprise, le nouveau président Emmanuel Macron annonce qu'il compte bien s'inscrire dans la même stratégie militaire que ses prédécesseurs. Avec les terroristes, on ne discute pas, on combat, lance-t-il dans une interview à Jeune Afrique. Mais les Maliens ne sont pas de cet avis. Et le 10 janvier 2018, la colère gronde dans les rues de Bamako, où les manifestants s'insurgent pour réclamer le départ des Français. À bonne essence, Macron, le gouvernement français. Tout est visible. Actuellement, il y a plus de 20 000 soldats étrangers au Mali pour un seul problème, pour un seul pays. Et le problème n'est pas encore résolu. Il y a toutes sortes d'avions militaires au Mali, toutes sortes d'armements. L'ennemi est connu, mais l'ennemi n'est pas neutralisé. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a pas de secret, tout est visible. Nous demandons seulement à la France de plier ses bagages et de rentrer. Nos soldats maliens ont la solution, la population malienne a la solution. Ces manifestations illustrent l'exaspération de la population. Depuis l'automne, les pertes humaines se multiplient. Plus de 150 soldats maliens et des centaines de civils sont morts malgré la présence des Français. Côté France, également, le bilan s'alourdit et 2019 est pour toutes les parties au combat une année particulièrement sanglante. En novembre, un crash d'hélicoptère coûte la vie à 13 soldats français. Quelques jours plus tard, une attaque djihadiste contre un camp de l'armée nigérienne près de la frontière malienne fait 71 morts et 12 blessés. En réponse et en dépit de la défiance des Maliens, Emmanuel Macron envoie 600 soldats supplémentaires. La population, elle, survit tant bien que mal entre les attaques djihadistes et les opérations militaires. Et alors qu'elle s'enfonce peu à peu dans une crise économique sans précédent, les scandales politiques se succèdent. Falsification des résultats aux élections législatives, enlèvement du chef de l'opposition. Pour la population, la coupe est pleine. En août 2020, la démocratie de façade éclate en morceaux, comme en témoigne ce reportage de France 24. C'est le début de violentes manifestations qui secouent la capitale Bamako et se poursuivent de semaine en semaine, alimentées par d'autres scandales, comme la vidéo du fils du président, le montrant sur un yacht de luxe. Bamako vit l'une des pires journées de troubles civils depuis des années. Plus d'une centaine de manifestants sont blessés, plusieurs autres sont tués. Depuis, la grogne n'a cessé de prendre de l'ampleur entre tentatives de dialogue et rencontres avortées. Ce mardi, des militaires ont pris possession d'un camp de l'armée près de Bamako et arrêté Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre Boubou Cissé. Après le renversement du gouvernement, c'est une nouvelle junte qui prend les rênes du pays sous les regards toujours plus scandalisés de la communauté internationale. À Paris, la réponse de Jean-Yves Le Drian est sans détour. On poursuit Barkhane. Mais si les hauts fonctionnaires français semblent farouchement opposés à toute négociation avec les groupes armés, ils finissent par se rendre à l'évidence, c'est la seule voie possible. Alors, les diplomates changent de ton et se montrent moins catégoriques. Si les conditions sont réunies pour que s'ouvrent des discussions sur l'organisation de l'État malien, la place de l'islam dans la société, y compris sur la charia, la France n'aura pas à se mettre en travers. Mais les groupes djihadistes ont encore pour dominante la poursuite du djihad international et l'instauration d'un califat. La place de l'islam dans la société. La formule est lâchée. Mais si à Paris on s'étonne de constater le virage religieux du peuple malien, dans les villes et villages du Nord notamment, la transformation s'est en fait opérée progressivement. Elle illustre surtout l'incapacité de la classe politique malienne à administrer ses citoyens. Depuis 2012, les organisations musulmanes, notamment le Haut Conseil islamique, ont pris le relais des institutions au niveau local et garantissent aux familles des services de proximité dont elles étaient jusque-là privées, s'érigeant alors en recours. En France, l'opinion s'émeut face aux cérémonies d'hommage aux soldats morts pour la France, mais s'étrangle en découvrant les sommes astronomiques allouées à la mission Barkhane qui se compte en milliards. Après 7 ans de lutte contre le terrorisme, la France n'a pas réussi à contenir les groupes djihadistes du Sahel. Elle a refusé également de voir l'émergence du terrorisme comme le symptôme d'un État défaillant dirigé par une classe politique corrompue. Le Mali d'hier, foncièrement laïque, est peut-être en passe de faire de l'islam sa religion d'État, car aujourd'hui le Haut Conseil islamique rassemble plus qu'aucun parti politique. Ha ha ha! Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'intervention française au Mali, dont nous allons parler avec notre invité Laurent Bigot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un ancien diplomate, spécialiste de l'Afrique, et vous avez notamment occupé le poste de sous-directeur de l'Afrique occidentale au ministère des Affaires étrangères entre 2008 et 2013. Et on vous a entendu deux fois lors du récit. Vous êtes aujourd'hui consultant indépendant. D'abord, je voudrais qu'on mette au clair cette formule de France-Afrique. Franchement, est-ce qu'on est vraiment dans une logique France-Afrique quand la France intervient sur un terrain extérieur pour y chasser les djihadistes? On comprend que c'est assez naturel au regard des relations presque organiques qu'il y avait entre le Mali et la France, que ce soit plutôt la France plutôt que les États-Unis, l'Angleterre ou un autre pays. Est-ce que c'est la France-Afrique, ça, finalement? Non, le terme France-Afrique, c'est vraiment hors sujet. C'est hors sujet, on est bien d'accord. C'est l'État malien, du Konda Traoré, qui a sollicité officiellement la France pour être assisté militairement dans le cadre de l'offensive du groupe de Ansar Eddine. Ça n'a rien à voir avec la France-Afrique. La décision de François Hollande, elle est, je suis sollicité, on demande l'appui militaire français. Il se tourne vers ses militaires français, il dit on peut faire, on peut pas faire. Les militaires français disent on peut faire. Il n'y a pas d'autres considérations. Il n'y a vraiment pas d'autres considérations. Et la France-Afrique, finalement, parce que on a diffusé la première archive François Hollande qui disait « La France-Afrique, en tout cas avec moi, c'est fini ». Est-ce que c'est fini ? Mais la France-Afrique, il faut rappeler un petit peu ce que c'est. C'est que c'est d'abord Oufet Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, qui l'avait énoncé en deux termes, c'est-à-dire France-Afrique. Et c'était une histoire commune et une communauté de destin. Donc c'était très positif. Et puis les dérives des réseaux Focard, notamment, et le mélange entre la politique et l'affairisme, ont fait qu'on a contracté le terme et c'est devenu un terme très péjoratif qui, dans l'esprit des gens, signifie l'affairisme. Et le néocolonialisme. Et voilà, et la confusion des genres entre la politique et les affaires. Aujourd'hui, ça n'existe plus comme ça a pu exister. Et surtout, c'est jeter l'opprobre sur tout un continent, parce que les relations affairistes, il y en a avec tous les continents. La France en a. C'est dès qu'il y a des grands contrats, dès qu'il y a des intérêts, des affairistes, des gens qui interfèrent dans la décision politique, il y en a partout. Je ne sais pas pourquoi on focalise sur ce terme-là, France-Afrique. Les grands contrats négociés avec le Moyen-Orient, avec les grands pays asiatiques, c'est exactement la même chose. Il y a les mêmes dérives. Donc je pense que c'est une facilité journalistique, en fait, la France-Afrique. François Hollande en parlait aussi, hein. C'est pas très journaliste. Et politique. C'est-à-dire que, à peu de frais, on fait du buzz avec ce terme-là qui ne veut plus rien dire. Et en tout cas, quand on le dit, moi j'invite les gens qui l'utilisent à préciser ce qu'ils entendent par ce terme-là, parce qu'aujourd'hui, plus personne n'est capable de donner une définition précise. Bon, ah ben voilà, on a clarifié les choses, pour le coup. Alors, un départ, on va revenir sur la genèse de cette affaire. Fallait-il y aller et comment? Et ça, c'est vraiment votre affaire, puisque vous étiez un contestataire d'ailleurs, de cette histoire. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut prévoir un départ des Français à court, moyen, peut-être long terme, du Mali? C'est ce qui se produira. En Afghanistan, pendant de nombreuses années, on nous a expliqué qu'on ne pouvait pas partir. Et puis il y a eu l'embuscade d'Ouzbine en 2008, 10 soldats français qui meurent d'un coup, c'est le choc. Et tout d'un coup, le nombre de morts en Afghanistan n'est plus acceptable pour l'opinion publique française. Malheureusement, je crains que pour le Mali, il va se produire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on décidera de partir quand l'opinion publique française considérera que le bilan humain n'est plus acceptable. Vous dites bien opinion publique française et non pas malienne, sinon ce serait fait. Oui, même s'il y a des contestations et du sentiment anti-français, il n'a pas atteint les proportions qui justifieraient à lui seul le départ. Je pense que le curseur, en tout cas, de nos dirigeants politiques, il est plutôt sur l'opinion publique française. Donc la question revient, comme un boomerang, fallait-il y aller ? Alors, justement, vous avez tenté d'alerter le gouvernement sur la réalité politique, économique et sociale du Mali. Alors, y aller peut-être, mais peut-être pas dans ces conditions. Expliquez-nous ça. Alors, est-ce que vous avez... Pensez ce que vous avez dit, comment ça s'est passé? Je pense, je l'ai dit à plusieurs reprises, la décision que prend François Hollande de déclencher l'opération Serval est une décision politique très courageuse. Il la prend d'abord parce qu'il révise à 180 degrés sa position précédente. Oui. Mais la situation a changé et il a fait preuve de pragmatisme. C'est-à-dire que les groupes djihadistes décident de descendre vers le sud, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et la position de François Hollande était de dire tant que la situation est figée dans le nord, nous contribuons à monter une opération africaine, mais il n'y aura pas de soldats français. La situation change. Les groupes djihadistes, et notamment de Sardine, se regroupent et préparent une offensive vers le sud. François Hollande fait preuve de pragmatisme et dit bah, « on est sollicité, qu'est-ce qu'on fait ? On y va. » Et on y va. Et je pense que la décision est très courageuse, qu'il n'y a qu'un seul pays qui pouvait le faire, c'était la France. Il n'y avait pas d'autre pays capable de monter une opération aussi rapidement. Et juste d'un point de vue technique, pas au regard des relations qu'on avait avant. L'acceptabilité. Bien évidemment. La France était la nation la plus acceptée et acceptable pour monter cette opération. Et d'un point de vue technique militaire et de capacité à se projeter, parce qu'on a vraiment monté ça très rapidement, et c'est remarquable. Mais le problème, c'est que la décision initiale de François Hollande, c'est on monte cette opération pour stopper l'avancée vers le sud. Et les objectifs militaires ont été révisés très vite au fur et à mesure des succès militaires, c'est-à-dire qu'on a stoppé dans un premier temps, puis on a pourchassé les djihadistes. On s'est dit, pourquoi pas aller plus loin, exactement. Puisqu'on y va. Et de fil en aiguille, c'est devenu une opération extrêmement ambitieuse. Et c'est là où on a commencé à dériver, c'est là où on a perdu de vue les objectifs initiaux. Et en fait, on surenchérissait à chaque fois avec des nouveaux objectifs militaires. Donc on les chasse, on libère les villes du Nord, et puis après on a transformé en opération Barkhane, on devient une opération qui va lutter contre le terrorisme dans toute la région. Ce qui rappelle d'ailleurs l'intervention d'autres pays. Ailleurs, on envoie des conseillers, et puis ça devient une intervention. Et puis ça devient parfois un bourbier et un piège. Est-ce que pour le Mali et la France, on peut dire ça, ou le risque n'est pas identifié comme celui-là d'un bourbier ? Oh, si, c'est un bourbier. Ça fait plusieurs années qu'on y est. Ça fait plus de 7 ans qu'on y est. Quels sont les résultats ? Je veux dire, le bilan humain, que ce soit du côté malien, du côté des forces françaises, le bilan humain des civils, parce que malheureusement il y a beaucoup de civils qui meurent aussi, n'est pas bon. Et puis l'insécurité, c'est-à-dire que la zone où l'insécurité prédominait ne cesse de s'étendre. Donc objectivement, les résultats ne sont pas atteints. Les soldats français sont de plus en plus exposés. Les soldats maliens également. Ça s'appelle un bourbier. Ah oui, c'est clairement dit. La question était précise et la réponse est extrêmement claire. Je vous remercie. On va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté Boubacar Traoré qui chante « Dis-lui que je l'aime comme mon pays ». Faço para eu, pai, não eu. Jeune comme un frère, toi qui jeune comme un frère, toi qui es mon ami, toi qui es mon ami, et n'oublie pas que je comptais sur toi pour le dire que je l'aime, Et dis-lui que je l'aime comme mon pays. Et dis-lui que je l'aime. Et dis-lui que je l'aime comme mon pays. Et dis-lui que je l'aime. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Bigot, je voudrais qu'on revienne rapidement sur l'historique du terrorisme au Mali, du moins dans le Nord. Est-ce qu'on peut dater à peu près, ou même précisément, le moment où cette région a basculé pour devenir la base arrière du terrorisme au Sahel ? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle terrorisme, parce que pour les autorités de Bamako, les groupes irrédentistes Touareg sont des terroristes, et ça existe depuis l'indépendance. On va parler du djihad. Alors, ce que nous, occidentaux, visons comme terroristes, c'est les groupes dits djihadistes, oui. Et ceux-là, ils se sont installés probablement autour des années 2006-2007 avec le ACMI, donc Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui est en fait un héritier du GSPC, le groupe algérien. Et d'ailleurs, tous les cadres d'ACMI, les grands cadres d'ACMI, sont des Algériens. Et ils sont venus s'installer probablement dans le nord du Mali autour de 2006-2007. Et ça a cru ensuite en importance. Et il y a un autre groupe qui compte beaucoup désormais avec le groupe de Iyad Agrali, Ansardine initialement, qui est devenu le groupe de soutien à l'islam au Maghreb. Et lui, ce groupe-là, il s'est créé en 2012. GSIM simplement. Exactement. Oui. Il s'est créé uniquement en 2012 avec le soutien des Algériens, il faut quand même le rappeler. Et toute la base arrière de ce groupe est en Algérie, dans le sud algérien. Et ça, c'est un groupe qui s'est créé très rapidement en 2012, au moment de l'offensive du groupe irrédentiste Touareg, le MNLA. Et aujourd'hui, c'est le principal groupe qui est allié avec ACMI. Donc l'avenir des Touareg, parce que on croise le destin du peuple Touareg à cheval sur plusieurs pays, dont d'ailleurs une partie en Algérie, vous me rectifiez ici. Oui, oui, il y a une minorité Touareg dans le sud algérien. Alors, qu'est-ce qu'ils ont gagné, perdu, qu'est-ce qu'ils avaient à gagner ou à perdre dans cette histoire? Ils sont quand même, on l'a dit dans le récit, ils sont au centre du mécanisme. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que dans le Nord Mali, les Touaregs ne sont pas majoritaires. Ils sont majoritaires dans une région du Nord Mali qui est la région de Kidal. Mais le Nord Mali est peuplé d'autres ethnies. On parle des Peuls, il y a les Sonrai, vous avez les Dogons. Et donc, il y a aussi je pense qu'il est important de dire que le Nord Mali n'est pas Touareg. Le Nord Mali n'est vraiment pas Touareg. Juste la région de Kidal. Et en fait, les Touaregs ont souvent revendiqué leur pouvoir, une forme d'omnipotence sur tout le nord du Mali. Et je pense que là, aujourd'hui, les Touaregs n'ont pas gagné grand-chose dans ce soulèvement, malheureusement. Ils ont même probablement perdu beaucoup de choses. Ils se sont mis à dos les autres ethnies, très clairement. Les autres ethnies ne veulent pas être sous la coupe des Touaregs. Ça, c'est très clair. Ils contestent également l'autorité de Bamako, mais ils ne veulent pas être sous la coupe des Touaregs. Donc, c'est vraiment important de dire que là où les Touaregs ont une légitimité à revendiquer politiquement une forme d'autonomie, c'est juste la région de Kidal, et uniquement celle-là. C'est ça. Parlons un mot, parce qu'on les a cités, des ethnies, les Dogons et les Peuls. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, ce sont des ethnies qui coexistent dans la région, enfin dans le nord Mali, depuis des siècles. Mais il y a des conflits communautaires aussi depuis des siècles, parce qu'il y a des modes de vie qui sont pas les mêmes. Vous avez des sédentaires, d'autres qui sont des semi-nomades, du pastoralisme semi-nomade. Ils sont en conflit avec les sédentaires qui cultivent la terre. Et ces conflits communautaires sont très violent et meurtrier, très meurtrier. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on voit la résurgence de ces conflits communautaires, c'est-à-dire qu'au moment où l'État n'est plus la référence, c'est la communauté, c'est-à-dire que le cadre national n'est plus une référence et c'est la communauté. Donc tout le monde se replie sur la communauté et du coup, ces conflits qui sont des conflits du quotidien, de la survie du quotidien, sont des conflits qui tuent beaucoup plus que le terrorisme, qui tuent beaucoup plus que ça, et qui viennent s'ajouter à la menace sécuritaire des groupes armés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a régulièrement, malheureusement, dans les informations, des annonces de tueries de civils qu'on met facilement sur le dos des groupes armés, et qu'il serait utile de regarder de plus près, parce qu'il peut y avoir, quand bien même ces actes, ces massacres sont commis par des groupes armés, il peut y avoir, en explication sous-jacente, des conflits communautaires. Quand vous parlez des conflits qui sont essentiellement fonciers, en fait, qui sont liés aux fonciers. Aux terres. Ouais. Quand vous parlez de groupes armés, vous parlez forcément des... Alors là, pour le coup, non. Mais quand on parle de groupes armés, dans la grammaire, le vocabulaire diplomatique, c'est les djihadistes ? Pas que. Il y a des milices d'autodéfense qui se sont constituées justement au sein de ces communautés, voilà, Peul, Dogon. Et d'ailleurs, des milices d'autodéfense sur lesquelles Bamako s'appuie. Et ça, alors là, ça crée encore plus de confusion, puisque ces milices d'autodéfense ne sont pas contrôlées par personne et utilisent la violence. Donc il y a aussi des dérapages de ces milices d'autodéfense. Et c'est la confusion, c'est clairement la confusion. C'est qu'aujourd'hui, vous avez des groupes que nous qualifions de terroristes, vous avez des milices d'autodéfense, et vous avez l'armée malienne qui est aussi, malheureusement, qui perpétue des exactions depuis longtemps. Ça n'est pas lié simplement à 2012 et 2013. Depuis longtemps, les populations du Nord dénoncent les exactions commises par l'armée malienne. Donc vous avez plusieurs groupes armés, y compris officiels, quand je dis l'armée malienne, qui commettent des exactions, et tout ça s'additionne. À l'exception de l'Algérie, dont nous avons déjà parlé, quel rôle jouent les pays limitrophes, voisins du Mali ? Alors, l'Algérie est vraiment un acteur essentiel, très essentiel. Après, les autres pays, ils essayent de limiter la casse, j'ai envie de dire. Parce que même si les communautés Touareg nigériennes et maliennes ont beaucoup de proximité, elles ne se sont pas solidarisées dans ce combat-là. Chacun mène sa petite vie. Et d'ailleurs, les autorités nigériennes gèrent très différemment leur communauté Touareg au Niger. Et les conflits avec les Touareg, historiquement, il y a eu des rébellions au Niger. Mais désormais, les autorités centrales de Niamey gèrent ça très différemment. Et le Burkina Faso, aujourd'hui, elle subit l'extension de l'insécurité qui provient du Nord Mali. Alors en revanche, il y a un pays qui n'a pas de frontière avec le Mali, mais qui a joué un rôle très important, c'est la Libye, avec la chute de Muammar Kadhafi. Puisque le MNLA, le groupe irrédentiste Touareg qui a lancé son offensive en 2012, n'a pu se constituer en force armée que grâce au retour des combattants Touareg qui avaient émigré depuis 30 ans en Libye et qui combattaient dans la Légion islamique qu'avait constituée Kadhafi. Et quand Kadhafi est tombé, ces combattants Touareg sont retournés au pays avec armes et bagages et ont constitué le MNLA. Et le MNLA est essentiellement constitué de cadres militaires Touareg maliens, mais qui avaient fait toutes leurs armes en Libye. Alors, on en arrive à une question, pour le coup sensible, question de diplomate et question hautement politique, faut-il tenter de négocier avec les groupes djihadistes ? Je referai le parallèle avec l'Afghanistan. Pendant des années, on nous a dit qu'il fallait pas négocier avec les talibans. Mmh. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Après l'échec militaire, parce qu'il faut appeler un chat, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des négociations. Aujourd'hui, les Mali... Que de temps perdu. Peut-être qu'il y a une maturité aussi. Il y a peut-être un moment où la négociation est appropriée et peut-être qu'il n'était pas temps au début de négocier, mais désormais c'est le cas. Au Mali, on a le même souci. D'abord, c'est pas une décision des Français. C'est d'abord une décision des Maliens. C'est d'abord leur pays. Et je rappelle qu'il y a eu ce cadre de dialogue national inclusif qui est prévu par les accords d'Alger. Ce dialogue national inclusif a eu lieu à Bamako. On peut contester les conditions d'organisation, le fait qu'une partie de l'opposition est boycottée, etc. Mais il y a un sujet qui faisait l'unanimité des participants, c'est qu'il va bien falloir négocier au moins avec certains groupes terroristes, et notamment avec le groupe d'Iyad Agrali, qui est d'abord un Malien, qui est un entrepreneur politique avant d'être un terroriste. Et qu'il va falloir négocier avec lui. Je pense que la franchise de l'État islamique, c'est plus compliqué. C'est un groupe terroriste beaucoup plus nihiliste, donc ça va être compliqué. Mais il y a d'autres groupes armés avec lesquels la négociation est possible. Un danger de voir le Mali tomber dans la charia et un État islamiste. En quoi est-ce un danger ? Le pays à côté du Mali s'appelle la République islamique de Mauritanie. Est-ce un danger ? Nous n'avons aucun problème à traiter avec l'Arabie saoudite, qui est un pays islamique. Donc il y a un moment où il faut aussi arrêter cette hystérisation de l'islam et de l'islam politique, et juste se poser la question de c'est la souveraineté des Maliens, c'est eux qui doivent en débattre, et il y a un débat religieux sur la place de la religion dans le système politique malien. Nous, nous n'avons pas notre avis à donner, ça ne nous concerne pas. Ce sera le dernier mot. Merci infiniment. Merci. On a compris, ça peut être le dernier mot. Merci infiniment, Laurent Bigot. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'intervention française au Mali, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. À la technique aujourd'hui, il y avait Clément Huyette.